était pour un joli tambour. J'étais la princesse à la rose, mais quelle citadelle close cache ses nouvelles amours. Mon cœur ne met plus ses atouts. Si fort et si tôt.